Emporte-moi, que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot berce mes rêves et qu'à l'heure où tout s'achève il ne reste rien que nous. Que le vent gonfle la voile et qu'à l'heure des étoiles il ne reste rien que nous.